comme un ange. Il est là au bout de la rue. À son regard, je l'ai reconnu, lui mon ange. Trop distrait, il ne m'a même pas vu. Perdu dans ses pensées, le pas pressé, m'a foulé, m'a dépassé. Mon être s'est trouvé bouleversé, je ne pouvais plus avancer, profondément blessé. Au loin, son nom s'est effacé. C'était qu'un rêve dans ma tête, une illusion, seulement un rêve qui se répète. Comme un paradis, trop parfait, sans doute un tour de magie. On le dit depuis assez j'y, tendre mélodie. Mais en fait, il a perdu toute son énergie. Je l'ai pris comme un symbole, pas une bricole, presque une idole. Que fait de ce discret réel? Ma boussole quitte le sol et vers l'ailleurs prend son envol. Une illusion, ce rêve qui trotte, qui se répète.